Depuis qu'elle m'a quitté, je m'ennuie un peu ici. Je fais le tour de quartier puisqu'elle est partie. Les voisins qui s'engueulent, le clochard fait la manche, des sapins pleins d'orgueil dans un square à la manque. Thank you.